Chapitre 23. La visite. Jeune homme, vous êtes la honte de votre profession, susurra Gustave. Ophélie contempla la trace brune que son fer avait imprimée sur le papier. De toutes ces besognes quotidiennes, s'il y en avait une qu'elle jugeait particulièrement ingrate, c'était bien de repasser le journal. Chaque matin, un paquet de gazettes était livré au vestibule des domestiques. Les valets devaient refaire eux-mêmes le pliage afin de le rendre plus maniable pour les maîtres. Ophélie grillait toujours 3 à 4 journaux avant d'en repasser inconvenablement. Renard avait pris l'habitude de le faire à sa place, mais pas aujourd'hui. C'était sablier vert. Il profitait d'un congé bien mérité. Et comme Ophélie jouait de malchance, le majordome en chef inspectait justement l'office ce matin. Vous comprendrez que je ne peux tolérer un tel gaspillage, lui dit-il avec un large sourire. Vous n'aurez désormais plus droit aux gazettes. Pour cette fois, allez donc remettre à Madame Bérénilde le fruit de votre maladresse. À défaut d'avoir une langue, essayez d'avoir des tripes, hein ? Gustave gloussa et s'en fut de son petit pas pressé. Ce n'était pas la première fois que le majordome en chef s'amusait à ce petit jeu-là avec Mime. Sous ses airs mielleux, il prenait un sournois plaisir à humilier et à dénoncer ceux qui n'avaient pas ses galons. Il n'était un exemple pour personne avec sa perruque à l'envers, son plastron mal attaché et son haleine alcoolisée, et pourtant, d'après Renard, il en avait déjà poussé certains jusqu'au suicide. Ophélie se sentait beaucoup trop fatiguée pour s'indigner. Tandis qu'elle prenait la direction du boudoir blanc, sa gazette brûlée sur un plateau, elle avait l'impression de marcher dans du coton. Entre l'humidité de sa chambre, la douceur trompeuse des corridors et le manque de sommeil, elle avait fini par attraper une angine. Elle avait mal à la tête, mal à la gorge, mal au nez, mal aux oreilles, mal aux yeux, et sa vieille écharpe lui manquait. Si elle n'avait pas donné tous ses sabliers à Renard, elle se serait volontiers fait porter pâle. Ophélie mit le couloir de service à profit pour déchiffrer les gros titres sur le papier brûlé de la gazette. Le conseil des ministres accouche encore d'une souris. Concours de poèmes, à vos plumes, les enfants. Un carrosse décapité au clair de lune. Grande chasse du printemps, les dragons affûtent leurs griffes. Le printemps, déjà, le temps avait filé si vite. Ophélie retourna la gazette pour voir le tableau de météorologie. -25 degrés. Le thermomètre de cette arche semblait figé à la même température, mois après mois. Le climat serait-il plus clément avec le retour du soleil à la saison prochaine? Elle n'était pas si pressée de le savoir au fond. Chaque jour écoulé la rapprochait du mariage à la fin de l'été. Avec le train de vie effréné de Bérénilde, Ophélie avait rarement eu le temps de penser à Thorn. Et si elle avait une certitude, c'était qu'il en allait de même pour lui. « Votre sort est une réelle préoccupation pour moi », avait-il dit. Eh bien, s'il se préoccupait vraiment du sort de sa fiancée, c'était uniquement de loin. Il ne s'était plus jamais manifesté depuis le soir de leur arrivée au clair de lune. Ophélie n'aurait pas été étonnée qu'il eût tout à fait oublié son existence. Une quinte de toux résonna dans sa poitrine. Elle attendit qu'elle fût calmée avant de pousser la porte de service qui menait au boudoir blanc. Ce petit salon féminin était le plus confortable et le plus délicat du château. Tout n'y était que dentelle, coussin, mollesse, velours. Une illusion poétique faisait tomber du plafond des flocons de neige qui n'arrivaient jamais jusqu'au tapis. Aujourd'hui, Bérénilde et les 7 sœurs d'Archibald s'étaient réunies au boudoir blanc pour admirer la dernière collection de chapeaux du baron Melchior. « Celui-ci ne devrait pas manquer de vous plaire. « Mademoiselle, » dit-il à Douce, en lui remettant une composition végétale. « Les roses éclosent et fleurissent au fil du bal jusqu'à l'apothéose. Je l'ai appelée floraison du soir. » Toutes les femmes applaudirent. Mirage aux majestueux embonpoints, le baron Melchior avait lancé sa propre maison de couture. Les tissus d'illusion à partir desquels il brodait ses confections rivalisaient d'imagination. Plus il poussait l'audace, plus il remportait de succès. On disait de lui qu'il avait des doigts en or. Les pantalons aux motifs changeants au gré de la journée, c'était du Melchior. Les cravates musicales pour les grandes occasions, c'était du Melchior. La lingerie féminine qui devenait invisible sur les 12 coups de midi, C'était du Melchior. J'aime beaucoup ce bonnet d'intérieur, en tulle de soie, le complimenta Bernilde. Même si ses robes étaient étudiées pour dissimuler l'arrondi de son ventre, sa maternité devenait de plus en plus évidente. Debout dans un coin du boudoir, Ophélie la surveillait. Elle ne comprenait pas comment la veuve faisait pour demeurer aussi belle et aussi lumineuse en dépit de tous ses excès. « Vous êtes une connaisseuse, » répondit le baron en lissant ses moustaches gominées. « Je vous ai toujours considérée comme une exception dans votre famille. Vous avez le bon goût des mirages, madame. »« Voyons, baron, ne soyez pas insultant, » dit Bérénilde avec son petit rire cristallin. « Ah, les nouvelles du jour !» s'exclama Gaieté en se servant sur le plateau d'Ophélie. La jeune fille s'assit délicatement sur une bergère, puis fronça les sourcils. « On dirait que cette gazette a vu le fer d'un peu trop près. »« Mime, tu seras privée de pause aujourd'hui, » déclara Bérénilde. Désabusée, Ophélie n'en attendait pas moins d'elle. La tante Roseline, qui servait le thé à toutes ces dames, se raidit de colère. Elle ne pardonnait à Bérénilde aucune des punitions administrées à sa filleule. « Écoutez donc, ils en ont parlé !» s'exclafa Gaieté, son joli nez collé à la gazette. « Le défilé de carrosses au jardin du clair de lune a toujours su se distinguer des autres. Hier soir, l'infortunée comtesse Ingrid l'a démontré à ses dépens. Avait-elle fait apprêter un carrosse trop imposant ? Avait-elle choisi pour l'occasion des étalons trop vigoureux ? Coup de fouet, appel de bride, rien n'y a fait. La comtesse a traversé la grande allée comme un boulet de canon, réclamant de l'aide à corps et à cri. Attendez, ne riez pas encore, le meilleur est pour la fin. Soit le carrosse était trop haut, soit le porche était trop bas. Toujours est-il que le véhicule s'est vu amputé de sa toiture en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. La folle chevauchée s'est heureusement bien terminée et la comtesse s'en sort avec une belle frayeur et quelques contusions. « Quel spectacle désolant !» s'exclama Mélodie. « Si le ridicule tuait, » soupira Grâce, laissant sa phrase en suspens. « Je choisirai un carrosse plus modeste à l'avenir, » philosopha Clermonde. « Ou des étalons moins impétueux, » répliqua Friande. Les sœurs d'Archibald rirent tant et si bien qu'elles durent sortir leurs mouchoirs. La tête d'Ophélie bourdonnait comme une ruche. Elle trouvait tous ces gazouillis assommants. Bérénilde, qui posait sur cette jeunesse un œil bienveillant, agita un éventail devant sa gorge. « Voyons, mes chères petites, ne vous moquez pas trop des mésaventures de cette malheureuse Ingrid. »« Voilà qui est bien dit, » approuva Patience d'un ton pincé. « Modérez-vous donc un peu, sotte, la comtesse est notre invitée. » Les sœurs d'Archibald étaient dignes de leur surnom. Patience faisait continuellement preuve de pondération, Gaieté se riait de tout, Mélodie voyait en chaque chose le prétexte à une œuvre d'art, Grâce accordait une importance primordiale aux apparences, Clermonde éclairait son auditoire de ses jugements avisés et Friande résumait la vie à une question de sensualité. Quant à la petite Douce, elle était si lisse que les paroles les plus désobligeantes tombaient de sa bouche comme des perles. La toile. Le nom du clan prenait tout son sens lorsqu'on les voyait ensemble. Malgré leurs différences d'âge et de tempérament, les sœurs ne paraissaient former qu'une seule et même personne. Si l'une tendait la main, une autre lui passait aussitôt poudrier, pince à sucre, gants, sans qu'elles eussent besoin de se concerter. Lorsque l'une amorçait une phrase, une autre la complétait le plus naturellement du monde. Parfois, elles se mettaient toutes à rire en même temps, sans raison apparente. D'autres fois, au contraire, elles devenaient roses d'embarras et aucune d'elles ne parvenait plus à suivre la conversation. Cela se produisait généralement quand Archibald visitait l'une de ses invitées dans une chambre du château. Archibald. Depuis l'épisode de la bibliothèque, Ophélie n'arrivait plus à taire un petit malaise en elle. Elle avait le sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, mais elle ne pouvait en parler à personne et surtout pas à Bérénilde. Plus elle y réfléchissait, plus elle avait la conviction que la favorite avait orchestré le mariage de Thorne pour rasseoir sa position auprès de Farouk. « Baron, puis-je jeter un coup d'œil à vos rubans ?» demanda Douce de sa voix enjôleuse. Le baron Melchior reposa sa tasse de thé et se fendit d'un sourire qui souleva ses moustaches droites comme des baguettes. J'attendais que vous me le demandiez, mademoiselle. J'ai spécialement pensé à vous pour ma nouvelle collection. À moi ? Douce poussa un petit cri ravi quand le baron ouvrit sa mallette. Sur le fond noir en velours, les rubans de couleur arboraient chacun un papillon qui battait des ailes. La fillette se mit en tête de tous les essayer. « Apportez-moi le grand miroir !» Ahurie de fatigue, Ophélie mit un temps à comprendre que l'ordre s'adressait à elle. « C'est impoli de s'approprier ainsi le domestique d'une autre !» sermonna Patience. « Usez de mon personnel à votre guise, ma chérie, » dit Bérénilde en caressant affectueusement les cheveux de la petite fille. « Je n'en ai pas besoin pour le moment. » Le grand miroir pesait comme du plomb, mais Douce se montra aussi impitoyable que Bérénilde. « Ne le posez pas, » ordonna-t-elle à Ophélie. « Tenez-le ainsi, pour qu'il soit à ma hauteur. Non, ne le penchez pas, pliez plutôt les genoux. Voilà, gardez la position. » Douce donnait ses ordres d'une voix caressante, comme si elle lui accordait là une grande faveur. De longs cheveux à la finesse incomparable, un teint de nacre, une eau pure au fond des yeux, elle aimait déjà jouer de ses charmes. Ophélie y était peu sensible. Pour l'avoir déjà vue faire des colères spectaculaires, elle savait que ses belles manières n'étaient qu'un vernis qui se craquelait à la première contrariété. Elle plaignait sincèrement l'homme qui l'épouserait. Alors qu'Ophélie luttait contre une envie irrépressible d'éternuer, son miroir en main, les dames conversaient, riaient, buvaient du thé, essayaient des chapeaux. « Madame Bérénilde, vous devriez renvoyer votre valet !» déclara soudain Melchior en portant un mouchoir à son nez. « Il n'arrête pas de tousser, de renifler. C'est parfaitement déplaisant !» Si Ophélie avait pu parler, elle se serait empressée d'approuver le baron, mais un coup discret à la porte dispensa Bérénilde de répondre. « Va ouvrir !» lui demanda-t-elle. Prise de crampe, Ophélie ne fut pas fâchée de poser son miroir un instant. Quand elle ouvrit la porte, elle fut beaucoup trop saisie pour s'incliner. Deux têtes au-dessus d'elle, tout raide dans son uniforme noir et ses épaulettes à franges, plus maigre et plus maussade que jamais, Thorne remontait sa montre. Il entra sans un regard pour Ophélie. « Mesdames, » salua-t-il du bout des lèvres. Un silence stupéfait était tombé sur le petit boudoir. Bérénilde cessa d'agiter son éventail. La tante Roseline eut un hoquet de surprise. Les sœurs laissèrent leurs tasses de thé en suspens et Douce courut se réfugier dans les jupons de l'aîné. Cet homme immense et taciturne brisait par sa seule présence le charme féminin des lieux. Il était si grand que la fausse neige lui tombait devant les yeux comme un essaim de mouches blanches. Bérénilde fut la première à se ressaisir. « Tu n'as aucune manière !» le taquina-t-elle avec son bel accent rauque. « Tu aurais dû t'annoncer. Tu nous prends au dépourvu. » Thorne choisit un fauteuil qui n'était surchargé ni de coussins ni de dentelles, puis il s'assit en pliant ses grandes jambes déchassées. « Je devais déposer des dossiers au cabinet de l'ambassadeur. Je profite de mon passage pour voir comment vous vous portez, ma tante. Je ne m'attarderai pas. » À cette dernière phrase, toutes les sœurs d'Archibald poussèrent un soupir de soulagement. De son côté, Ophélie éprouvait les plus grandes peines du monde à tenir son rôle, immobile dans son coin, sans pouvoir regarder Thorne en face. Elle savait qu'il n'était pas très apprécié, mais c'était autre chose de le constater par elle-même. Connaissait-il la véritable apparence de Mime ? Se doutait-il que sa fiancée était présente dans la pièce, spectatrice muette de son impopularité ? Thorne paraissait indifférent au froid qu'il avait jeté. Il posa son porte-document sur ses genoux et s'alluma une pipe, malgré les toux désapprobatrices autour de lui. Il refusa d'un froncement de sourcils le thé que lui servit la tante Roseline. Il était difficile de déterminer lequel des deux avait les lèvres les plus pincées. « Monsieur l'intendant !» s'exclama le baron Melchior avec un sourire. « Je suis bien aise de vous voir. Voilà des mois que j'ai sollicité une audience. » Thorne posa sur lui un regard d'acier qui en aurait dissuadé plus d'un. Mais le gros baron ne se laissa pas impressionner. Il frotta ses mains baguées d'un air enjoué. « Votre mariage est très attendu, savez-vous. Une telle cérémonie ne s'improvise pas au dernier moment. Je suis certain qu'un homme aussi organisé que vous ne l'ignore guère. Je m'engage à concocter pour l'élu de votre cœur la plus adorable robe de mariée qui soit. » Ophélie faillit se trahir par une brutale envie de tousser. « J'aviserai le moment venu, » déclara Thorne, lugubre. Le baron sortit un calepin de son chapeau comme un magicien en aurait tiré un lapin blanc. « Ce sera l'affaire d'un instant. Pouvez-vous me donner les mensurations de la dame ?» C'était sans doute la situation la plus embarrassante qu'Ophélie avait jamais vécue. Elle aurait voulu disparaître sous le tapis. « Je ne suis pas intéressé, » insista Thorne d'une voix orageuse. Les moustaches enduites de brillantine s'effondrèrent en même temps que le sourire de Melchior. Ses paupières tatouées battirent plusieurs fois, puis il rangea son calepin. « À votre aise, monsieur l'intendant, » dit-il avec une douceur redoutable. Il referma sa mallette de ruban et empila tous ses chapeaux dans une boîte. Ophélie était sûre que Thorne l'avait diablement vexé. « Je vous souhaite le bonjour, » murmura Melchior à ses dames, avant de s'en aller. Un silence inconfortable retomba sur le boudoir. Plongée dans les jupons de l'aînée, la petite douce contemplait les cicatrices de Thorne avec une moue écœurée. « Tu as encore maigri, » reprocha Bérénilde. « Avec tous ces banquets ministériels, tu ne prends donc jamais le temps de manger ?» Friande fit un clin d'œil à ses sœurs et s'approcha du fauteuil de Thorne, un sourire espiègle aux lèvres. « Il nous tarde de rencontrer votre petit animiste, monsieur Thorne, » roucoula-t-elle. « Vous êtes si secret. » Ophélie commençait à s'inquiéter d'être le sujet de toutes ces conversations. Elle espérait que sa rencontre avec Archibald ne serait pas mise sur la table. Comme Thorne se contentait de consulter sa montre à gousset, Friande s'enhardit et se pencha vers lui. Ses bouclettes blondes se trémoussaient à chaque mouvement de tête. « Pourriez-vous nous dire au moins à quoi elle ressemble ?» Thorne planta si brutalement ses yeux de fer dans les siens que Friande en perdit son sourire. « Je pourrais vous dire à quoi elle ne ressemble pas. » Derrière le masque impassible de mime, Ophélie haussa les sourcils. Qu'entendait-il par là ? « Mon intendance me réclame, » conclut Thorne en fermant son couvercle de montre. Il se leva et s'en fut en deux longues enjambées. Ophélie referma la porte derrière lui, déconcertée. C'était bien la peine de se déplacer pour si peu. Les conversations reprirent aussitôt dans le boudoir, comme si elles n'avaient jamais été interrompues. « Oh, madame Bérénilde, accepteriez-vous de jouer avec nous à l'Opéra du Printemps ? Vous seriez parfaite dans le rôle de la belle Isolde. « Et puis, le seigneur Farouk assistera à la représentation. Ce serait pour vous l'occasion de vous rappeler à son bon souvenir ?»« Peut-être, » répondit Bérénilde en secouant son éventail à peine attentive. « Est-elle en colère ?» se demanda Ophélie tout en se mouchant. Elle n'en comprit la raison que bien plus tard, lorsque Bérénilde montra le sol de son éventail. « Qu'est-ce que je vois là, sur le tapis ?» Ophélie s'accroupit au pied du fauteuil où s'était tenu Thorne et récupéra un joli tampon d'argent. « C'est le sceau de l'intendance, » commenta Clermonde. « Monsieur, votre neveu doit être très ennuyé de l'avoir égaré. » Comme Ophélie restait les bras ballants, Bérénilde lui asséna un coup d'éventail. « Eh bien, » s'agaça-t-elle, « qu'attends-tu pour le lui rapporter ?